caca. Ouga Zaza, du zou, du zou, pousse. Akichasa, M.E.N. Sur ce son, pas de haine, pas de peine, ni de peine, ni de peine. Rien que des chiens, que je vois bouger leurs fesses. Alors on caisse, cha cha cha, enlève ta laisse. Laisse-toi faire, laisse ton derrière. Voilà pourquoi elles disent toutes que je suis vulgaire. Monsieur R a voulu changer, avait envie d'un refrain reggae. Fils à Bob Marley, en mission j'ai dû venir poser. Oh oh. Les envieux n'approuveront pas qu'on vienne déposer un flot sur salsa. On s'en bat les couilles parce qu'on en a. Essaye de tester Jean-Baptiste ou le MA3. Nous avons tous l'âge, donc on se propage. Nous sommes les rescapés, des rimeurs à gage. AG2 rime avec RAGE. Car dans le RAP, faut qu'on aide AGE. Ah, pour accumuler, car faut spéculer pour accumuler. Je t'aurais bien dit que le G c'était pour dire. Là où l'homme est bafoué, donc le E c'est plutôt mes frères enfermés. AGE 3 lettres, après N-E-N-E-M-E-N, AGE 2-M-A-N. Mais applaudis à te saigner les mains, dansant le boogie boogie jusqu'au petit matin. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Chicken MC, t'as les gars en face, cha. Monsieur R a voulu changer, avait envie d'un refrain reggae. Hey, je suis le fils à Bob Marley, en mission j'ai dû venir poser. N'approuvons pas qu'on vienne déposer un flot sur salsa. On s'en bat les couilles parce qu'on en a. Essaye de tester Jean-Baptiste ou le MA3. La la la la la la la la la la la la la la la la. À toi, au fond d'un patois. À toi, tout le monde se lève pour le R3. Paraît-il que des zombies, que des tombies dans le rap. Chaque agit qui nous ont conquis. Mon autoroute à droite, où tu peux rouler sans crête avec une Bavaria. Laisse, tu t'engraisses, mets tes fesses et chaises. Sont saisis par une quête, la pire espèce. Elle m'écoute, face à la foule. Mais de vie combien de gens, on les boule. Face cachée, Fatma déguisée. Fatma.